chasser de vos mémoires vos rêves gris, vos idées noires. Il est l'heure de changer d'humeur. Alors soufflez sur des cailloux pour qu'ils s'envolent autour de vous. Soufflez. Plus fort. Thank you.